Et comme annoncé, on va lire certaines fatwas du noble shir Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. La première fatwa concerne, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, une question qui lui a été posée, comme nous le retrouvons dans Fatawa Arkan al-Islam à la page 293. Beaucoup de gens prient dans des habits légers qui laissent apparaître la peau. Et ils mettent en dessous de ces vêtements des sarouels courts qui ne dépassent pas la moitié des cuisses. C'est ainsi qu'à travers le vêtement, nous pouvons voir la moitié de la cuisse. Quelle est la valeur de leur prière? En résumé, le cheikh rahimahullah ta'ala a répondu que la prière de ces gens-là est identique à la prière de celui qui aurait prié uniquement couvert de ce seul sarouel court. Car la présence des habits transparents est identique à leur absence. C'est-à-dire qu'en vérité, la personne qui prie dans un habit transparent qui laisse apparaître la peau, c'est comme si elle avait prié sans ses habits. La prière est donc invalide, selon le plus fort des deux avis soutenus par les gens de science. Et c'est d'ailleurs l'avis qui est connu de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et ce qui est obligatoire ici, c'est de couvrir au minimum la partie qu'il y a entre le nombril et les genoux. Ces personnes-là ont donc deux alternatives devant eux, ou devant elles. Premièrement, soit mettre des sous-vêtements assez longs, donc le sarouel ici, qui a été mentionné dans la question, il conviendrait qu'il soit plus long, afin qu'il couvre ce qu'il y a à couvrir. Deuxième alternative, enfiler un habit par-dessus qui soit assez épais. C'est-à-dire que même si la personne, elle va mettre un sarouel qui est court, dans le sens où elle ne couvre qu'une partie des cuisses, eh bien il faut que par-dessus, elle mette un habit qui est assez épais pour qu'il ne laisse pas apparaître ce qu'il y a derrière. Et le fait d'agir, donc, comme décrit dans la question, est une erreur grave. Et c'est là un comportement qui est religieusement dangereux. C'est pour cela qu'il incombe à ce genre de personnes de se repentir à Allah, tabaraka wa ta'ala, et le shaykh de terminer en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il guide ce genre de personnes-là et l'ensemble des musulmans et afin qu'il les assiste à accomplir ce qu'il aime et agrée. Également, parmi les questions qui lui ont été posées, toujours dans Fatawa Arkan al-Islam, comme nous pouvons le trouver à la page 371, un fidèle est entré en prière après que l'imam eut achevé la récitation de la Fatiha. Il a donc commencé à la réciter. Cependant, il s'est incliné avant qu'il achève sa récitation. Devait-il s'incliner ou terminer de réciter? Le shir de répondre, rahimahullah, en disant, s'il lui reste peu à réciter dans le sens où il peut terminer la récitation de la Fatiha et rejoindre l'imam dans l'inclinaison, alors il termine de lire, de réciter la Fatiha, puis il s'incline. Et c'est là ce qui est préférable pour lui. Par contre, s'il lui reste beaucoup à réciter et qu'il craint de ne pas rejoindre l'imam à temps en inclinaison, alors qu'il s'incline, même s'il n'a pas terminé de réciter la sourate de la Fatiha. Donc il y a deux cas de figure qui se présentent, et le shir donc a exposé la solution concernant ces deux cas de figure. La question lui a également été posée, toujours dans le livre Fatawa Arkan al-Islam, à la page 371 également, si le fidèle rejoint l'imam alors que ce dernier est prosterné, doit-il attendre qu'il se relève ou entre-t-il en prière de suite? Et le shir de répondre en disant, le préférable est qu'il entre en prière avec l'imam, peu importe la position dans laquelle il est, du fait de la généralité du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que vous atteignez, c'est-à-dire ce que vous atteignez de la prière, priez-le. Dans le sens où, si tu trouves un imam incliné, tu rentres en prière et tu le rejoins en position inclinée. Si tu arrives et que tu trouves l'imam prosterné, tu entres en prière et tu le rejoins en position de prosternation et ainsi de suite. Également, la question lui a été posée, comme nous le trouvons dans le même livre, à la page 389, combien d'unités de prière doit accomplir la femme à l'occasion de la prière du vendredi? Le Shir a répondu de manière brève en disant que si elle prie dans la mosquée derrière un imam, alors elle prie comme l'imam le fait. C'est-à-dire elle va effectuer 2 unités de prière. Par contre, si elle prie chez elle, alors elle va prier la prière de Dhuhr et elle va donc accomplir 4 unités de prière. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.